anges sur la terre, chapitre 3. Le veau d'or. Dans le siècle où nous vivons, l'argent joue un si grand rôle. Il inspire tant de respect, tant de considération, tant d'admiration pour son heureux possesseur, qu'il faudrait être aveugle pour ne pas reconnaître que nous sommes revenus au plus beau temps de l'adoration du veau d'or. Et, chose remarquable, les gens les plus empressés à se prosterner devant le Dieu du jour sont précisément ceux qui crient le plus fort qu'il est contraire à la dignité de l'homme de s'incliner devant l'autel et devant le trône. Cet humiliant hommage rendu aujourd'hui à l'argent est d'autant plus étrange qu'il n'est pas justifié. La loi évangélique et même l'intérêt personnel voudraient que l'homme riche fît de son argent un noble usage, qu'il en fît profiter ceux moins favorisés que lui. À quelques rares exceptions, il n'en est pas ainsi. D'ordinaire, l'homme riche regarde celui qui ne l'est pas, non seulement avec un souverain mépris, mais encore avec la frayeur que lui causerait un lépreux. Quand il voit venir à lui un de ces hommes, le chapeau à la main et le sourire sur les lèvres, il se fait infailliblement à lui-même cette prudente réflexion. Ce soldat de Job ne peut venir à moi qu'avec l'insolente prétention de s'attaquer à ma bourse. Garde à nous. Puis son visage, qui d'ordinaire n'a pas été doté par la nature, aussi bien que sa bourse par la fortune, affecte un air de sévérité menaçante. Comme une citadelle se hérisse de canons, pour repousser l'ennemi, il se hérisse de mauvaise humeur, et s'il est enfin poussé dans ses derniers retranchements, il lance sur l'ennemi un projectile destructeur. En français, ce projectile s'appelle une rebuffade. En anglais, to cut, une coupure. Ces mots n'ont pas d'équivalent dans la noble langue espagnole, mais nous ne désespérons pas de les voir adoptés dans la pratique avec l'approbation de l'Académie. N'avons-nous pas déjà donné droit de cité à d'autres mots étrangers et étranges? N'avons-nous pas adopté dans la vie matérielle l'expression « confortable » qui nous vient des Anglais, dans les salons le mot « coquetterie » emprunté aux Français, et dans la littérature celui de « spleen », cette invention anglaise? On peut donc voir que, sans prendre beaucoup de peine, nous avons marché à pas de géant dans la voie de la civilisation européenne. Nous vivons dans la douce illusion d'avoir au moins un lecteur dans les Batuecas, pays montagneux du royaume de León, en Espagne, et nous l'invoquons mentalement dans bien des circonstances. Nous nous adressons donc à lui pour lui dire qu'en vain serait-il un homme instruit, bien élevé et doué des meilleurs sentiments, s'il ignore les expressions que nous venons de citer, et bien d'autres encore, il ne trouvera pas grâce devant ces illustrations, à trois quartos la douzaine, qui ne font consister le mérite d'un homme que dans ses futilités. Qu'il se résigne donc à s'écrier avec Socrate, « Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. » Voilà une digression aussi longue qu'avril et mai, mais comme El Heraldo prétend que nos nouvelles sont trop courtes et que nous n'avons pas l'imagination assez féconde pour inventer les événements et encore moins pour leur dire, après les avoir inventés, croissés et multipliés, nous n'avons pas trouvé d'autres ressources que celle de recourir aux digressions. Note du traducteur. El Heraldo, journal périodique qui a publié plusieurs romans de Fernand Caballero. Fin de la note. Et, s'il nous faut faire un aveu, nous dirons que c'est notre cuisinière qui nous a donné ce conseil. Car, à l'exemple du grand Molière, nous avons l'habitude de la consulter quelquefois. Cette estimable créature fondait sa conviction sur un exemple qui nous a fortement ébranlés, et le voici. « Quand une sauce est trop courte, disait-elle, je l'allonge avec l'eau de la cruche. De la cruche ? Si au moins elle eût dit de l'eau filtrée de la fontaine. Mais nous n'avons pu parvenir à la civiliser jusqu'à présent, et nous craignons bien de ne jamais y parvenir. Mais nous en prenons notre parti. Nous tenons à notre cuisinière, et à vrai dire, nous faisons plus de cas de la pureté de ses ragoûts que de la pureté de son langage. Revenons à notre sujet. Si l'on s'incline aussi profondément devant la fortune, il faut voir dans cette marque de respect une espèce de pudeur, de respect humain, qui voudrait persuader au vulgaire que l'idole est digne de l'encens brûlé à ses pieds. Par suite, la langue s'est encore enrichie de plusieurs expressions nouvelles à ajouter aux synonymes de huerta, et ce sont les suivantes. 100 000 duros signifie un bon sujet. 300 000, un sujet très honorable. 500 000, un excellent sujet. 1 000 000, le meilleur des sujets. Quand la qualification va encore au-delà, sois bien assuré, ô charmant lecteur des Batuecas, car à nos yeux tu es charmant, n'aurais-tu pas un quarto dans ta poche, que le sujet, ainsi qualifié, parmi les gens d'argent, a plus 1 000 000 de duros au service de sa propre personne. Quelque temps après l'arrivée à Cadix de Don Roque de la Piedra, deux personnes se rencontrèrent un jour sur la place San Francisco. L'une était un homme grand, gros, coloré, portant bésicle d'or et visant à l'élégance. C'était un courtier, nommé Don Trefon Rubicondo. L'autre, qui débarquait du Trajan, où il avait fait la traversée de Séville à Cadix dans la chambre de l'avant, était notre connaissance, Don Jeremias Tembleque, qui se rendait à l'invitation que lui avait faite son compère Don Roque à l'effet de comparaître en sa présence. Don Jeremias figurait, dans la catégorie des sujets dont nous avons fait mention, à une place encore incertaine, car les furets les plus adroits n'avaient pu parvenir à vérifier le contenu de son coffre-fort. C'était un petit homme, humble, bas et rampant, dont la face, jaune comme un vieux citron, tenait plus du singe que de l'homme. Il portait un caban d'une couleur inqualifiable. Il avait un chapeau gris, doublé de vert en dessous, et des souliers en castor, deux fois trop longs pour ses pieds. Un gilet, dégoûtant de malpropreté, laissait apercevoir dans le creux formé par l'absence de l'abdomen un mauvais morceau de toile à carreaux de couleur ayant la prétention d'affecter la forme d'un mouchoir. « Hola, Don Jeremias, quel bon vent vous amène dans nos parages ?» dit le courtier au nouvel arrivé. « Vous venez sans doute présenter vos hommages à votre ami, Don Roque de la Piedra. Excellent sujet, sans contredit. » Or, il faut qu'on sache que Don Trefon Rubicondo avait été offrir ses services à l'excellent sujet et que celui-ci l'avait, comme on dit vulgairement, reçu comme un chien dans un jeu de quilles. Mais Don Trefon était de ces gens, comme il s'en trouve beaucoup dans le monde des affaires, peu sensibles à un mauvais procédé et qui cherchent à rentrer par la fenêtre quand on les a mis dehors par la porte. « Je viens en effet, ami Don Trefon, répondit le nouvel arrivé, pour voir mon compère et lui faire mon compliment, car c'est un rusé garçon qui revient au pays avec du foin dans ses bottes. « Ce n'est pas comme moi, cher ami, je n'ai pas eu la même chance. La maladie de ma femme, d'abord, pauvre chère créature, quelle excellente femme, 5 consultations de médecins, et la 6e allait avoir lieu quand elle est morte. Un enterrement à toute volée, qui m'a coûté les deux yeux de la tête, j'ai les notes. Puis la perte énorme que j'ai faite dans cette banque de New York, en Amérique. Maudit Yankees, maudit voleur. Et depuis mon retour en Espagne, des pertes, toujours des pertes. À Jerez, infâme Jerezin, je me laissais fourrer dans une mine. Non pas dans la mine, mais dans les actionnaires. Comment avez-vous pu être assez imprudent pour prendre de ces actions ? Interrompit le courtier. Si c'eût été des actions des mines de Almeria, à la bonne heure, je puis vous en offrir quelques-unes. Une véritable trouvaille. Elles appartiennent à quelqu'un qui part pour les Philippines et qui voudrait pas un mot de plus, ou vous allez me mettre en fuite, maudit homme. Ne viens-je pas de vous dire que je venais de perdre 10 000 réaux avec des actions de mine? En les prenant, j'avais cru pourtant faire une excellente affaire, car c'était à l'exemple de Don Judas Tadeo Barbo, un excellent sujet, un malin, qui sait où il faut gratter. Et j'avais voulu gratter à la même place. Mais la chose me réussit mal, et je perdis 10 000 réaux. Et cette perte a abrégé mes jours de 10 années. Jamais je ne me suis repenti plus amèrement d'une chose que de m'être fourré dans cette positive. Ainsi se nommait cette mine maudite qui est venue clore mon drame de la banque de New York. Imbécile que je fus. Cela ne crée-t-il pas vengeance, Don Trefon? Et la justice devrait-elle laisser impunie de semblables méfaits? Aussi, je me suis bien juré de ne jamais toucher à une action de mine, fût-elle des mines du Pérou. Bah, que sont pour vous 10 000 réaux, Don Jeremias? Une misère, une bagatelle, un grain d'anis, dit le courtier d'un air dégagé. Don Jeremias se mit à tourner de droite et de gauche, frappant la terre de sa canne et s'écriant. 10 000 réaux, une misère, une bagatelle, un grain d'anis? Perdez-vous la tête, Don Trefondo du diable? Parlez pour vous, Don Magnifico. Ces gens de Cadix, ils ne doutent vraiment de rien. Andalous, purs andalous. Ne faites donc pas le discret, Don Jeremias. Allons, allons. L'amour et l'argent sont deux choses qu'on ne peut cacher. Vous avez beau crier misère, et ces petites lettres de change sur Castaneda Frères et compagnie, hein? Silence donc, silence, maudit homme. Voulez-vous me compromettre, enragé bavard? Ne voyez-vous pas? En disant ces mots, Jeremias désignait un enfant qui, pour gagner quelques cuartos, s'efforçait d'arracher de ses mains, pour le porter, un mauvais mouchoir de coton, noué par les quatre coins et renfermant tout son bagage de route. « Je t'ai déjà dit de me laisser tranquille, vaurien !» criait l'avare. « Crois-tu par hasard, vermine, que je sois assez brouillé avec mon argent pour le gaspiller en te payant pour porter ce paquet qui ne pèse pas une once? Allons, file, ou sinon... » Don Jeremias leva sa canne et le gamin s'esquiva en lui tirant la langue. « Savez-vous, demanda le courtier, si votre ami Don Roque, qui a reçu à Cadix l'accueil dû à sa grande honorabilité, songe à s'établir définitivement ici ?»« Jésus, Jésus, je n'en sais pas le premier mot !» répondit Jeremias, épouvanté à cette seule idée de pouvoir se compromettre en répondant. « C'est que, dans ce cas-là, j'aurais à lui proposer une excellente affaire. » Et peut-être bien pourrait-elle vous arranger vous-même, Don Jeremias. Moi? Non, non et non. S'il faut débourser de l'argent, cher ami, je n'ai pas un réal de disponible, pas un quarto, pas même un maravedi. Note du traducteur. Un réal vaut 34 maravedi. Un quarto, 4 maravedis. Le maravedi vaut 5 centimes. Fin de la note. « Ce sont des rescriptions à escompter à 1 an de terme et à 12%. » Les yeux éteints de Jeremias se rallumèrent et dansèrent un fandango à ces paroles. « Sur hypothèque ? s'écria-t-il, avec des garanties ? Non pas, on n'opère pas ainsi à Cadix, où les affaires se font librement et honorablement, sous la seule garantie de la confiance et du crédit. La signature suffit et vaut une hypothèque. Eh bien alors, frappez à une autre porte, ami Tryphon. La confiance, je n'en ai en personne. La signature, c'est de l'encre sur du papier, pas autre chose, fut-elle celle de Rothschild. Au reste, je vous l'ai déjà dit, ajouta-t-il d'un ton lamentable, ma caisse est aussi à sec que la bourse d'un marquis. La maladie de ma pauvre femme, les frais d'enterrement, la positive où j'ai mis tant d'argent et d'où je n'ai jamais rien retiré, ce funeste gouffre qui m'a englouti 10 000 réaux, une misère, une bagatelle, un grain d'anis, maudit bourreau. Et surtout, cette catastrophe de la banque de New York. Toutes ces causes réunies m'ont mis entièrement à sec. Maudit Yankees, satané mine. Allons, Don Tryphon, au revoir, et portez-vous bien. Je m'en vais, car je n'ai pas encore déjeuné. Tout était hors de prix à bord de ce maudit vapeur. Don Jeremias, sachant fort bien que son compère ne lui offrirait pas à déjeuner, entra dans un mauvais bouchon et se fit servir une tasse de bouillon, ou plutôt de levure d'écuelle, dans laquelle il trempa un morceau de pain, puis il se rendit à la maison du nabab. « Ainsi donc, compère, dit Jeremias à Don Roque, après les premiers compliments sur son heureuse arrivée, ainsi donc vous allez vous établir à Cadix. Quant à moi, je regrette bien d'avoir quitté la Havane. Chaque jour, je m'aperçois du vide qu'a laissé autour de moi ma Pepa, ma pauvre femme. Vous avez perdu la vôtre pendant la traversée, compère. Oui, je crois vraiment que cette entêtée, qui ne voulait pas venir en Espagne, est morte pour ne pas en avoir le démenti, et me jouer encore un tour de son métier. Un tour, compère ? Puisque la chose devait arriver, il a bien mieux valu pour vous que ce fût à la mer. Pas de frais de médecins et d'apothicaires, pas de dépenses d'enterrement. Je sais ce qu'il en coûte, compère. J'ai conservé tous les mémoires de celui fait pour ma pauvre défunte. La bière, le séjour de Cadix ne vous a donc pas convenu ? Dit Don Roque en interrompant les lamentations de Jeremias. Non, non, compère, il en coûte trop cher pour vivre à Cadix. Et au Puerto Santa Maria ? Il n'y a rien à y faire. Ces gens-là se promènent du matin au soir. Et à Jerez ? Ne me parlez pas de Jerez, compère, une vraie caverne de brigands. Ils m'avaient fourré dans une mine qu'ils appelaient la positive. Et tenez pour certain qu'il n'y eut jamais rien de moins positif. Ils m'ont enlevé 10 000 réaux. Et voyez leur malice, pour me faire perdre mon argent, ils ont aussi perdu le leur. 10 000 réaux que je ne reverrai jamais. Bon, mais comment bon ? Plaisantez-vous ? Ne viens-je pas de vous dire qu'ils sont à jamais perdus ? Fort bien, mais au reste, et qu'il me faut les compter au nombre des défunts, avec ma pauvre femme. On m'avait dit qu'il y avait... C'est comme si je les avais jetés par la fenêtre. On m'avait assuré qu'un vignoble, et je ne puis même conserver le plus minime espoir pour l'avenir, puisque la mine est abandonnée. Je voudrais savoir si ce vignoble... J'ai vu, de mes yeux vu, la gueule de cette positive qui a englouti mes 10 000 réaux. C'est que, poursuivit Don Roque, sans faire aucune attention aux plaintes de Jeremias, c'est que j'aurais envie d'acheter quelques terrains vignobles d'un homme qui se trouve dans de mauvaises affaires. Jésus, Jésus, compère, exclama Jeremias, n'allez pas faire une semblable folie. Vous ne connaissez pas les Jerezins. Ils sont aussi malins que vous, compère. Ils ne vendent leurs vignobles que quand il n'y a plus que du bois sec. Ils ont voulu me mettre dedans, mais ma mésaventure de la positive m'avait ouvert les yeux. Il n'en est pas moins vrai qu'en fin de compte, vous voyez en moi le plus malheureux des hommes. En disant ces mots, Jeremías poussa un profond soupir. « Et que vous arrive-t-il donc, compère ? » demanda Don Roque. « Je ne sais que faire de mon argent !» exclama Jeremías d'un ton désespéré et en levant les mains au ciel. « Allons, allons, ne vous désolez pas, nous verrons à vous le faire placer !» répondit Don Roque. « Et les 4 années d'intérêt que j'ai perdues en le gardant, qui me le rendra ?»« C'est votre faute, et vous ne pouvez vous en prendre à personne. Pourquoi êtes-vous si poltron, mon compère ? Qui ne risque rien n'a rien. Que ne prêtez-vous sur hypothèque ? Les fonds sont bas. »« Prêtez sur hypothèque ! » exclama Jeremías avec terreur. « Avec tous les impôts qui pèsent sur la propriété, en plaçant au mieux, c'est-à-dire en prenant le gage pour un tiers de la valeur, on n'aurait pas 5% de son argent. Voulez-vous donc me ruiner ? Placez à prime, avec hypothèque. Pour qu'on me laisse là, avec mon hypothèque, que je sois obligé d'exproprier, de plaider, de me ruiner en frais. Voulez-vous donc m'assassiner ? Eh bien alors, placez votre argent dans quelque banque. Dans une banque. Allons, compère, je vois que vous voulez vous moquer de moi. Ne savez-vous donc pas ce que j'ai perdu dans la banque de New York ? Maudit Yankees, race pervertie, race pire que celle des féroces peaux-rouges, des nègres marrons et des pirates de la Malaisie. N'allez-vous pas comparer les banques de là-bas avec celles d'Europe, compère ? Moi, j'ai placé 100 000 duros à la Banque de France. Placez-y les 60 et tant de mille qu'à mon compte vous devez avoir tout près ici. Et quand arriveront les 60 autres 1000 que vous avez encore à recouvrer là-bas, vous pourrez en faire un autre emploi. Chut, chut, murmura Jeremías, épouvanté, et mettant un doigt sur sa bouche. On ne vous demande pas ce que j'ai. Les murailles ont des oreilles, et vous parlez d'une voix de chantre. Il n'y a dans la maison que la négresse et ma fille, répondit Don Roque. La négresse est votre fille, répliqua Jeremías en s'approchant de la porte pour s'assurer que personne ne les écoutait. N'est-ce pas assez ? N'ont-elles pas des oreilles pour entendre et des langues pour aller bavarder ? Faites ce que je vous dis, entêté, poursuivit Don Roque, ou bien gardez votre argent improductif. Don Jeremías se mit à trembler, comme s'il eût été saisi d'un accès de fièvre tierce. D'un côté, courir les chances d'une banque. De l'autre, garder son argent à ne rien faire. L'alternative était cruelle. Le conseil de Don Roque semblait encore le meilleur à suivre. Jeremías le prenait, puis le rejetait, comme fait un chat d'une sardine placée sur un grill brûlant. Enfin, après 3 jours et 3 nuits de combats et d'angoisses, pendant lesquels il ne mangea ni ne dormit, il se décida enfin à placer son argent en actions de la Banque de France. Puis, le 4e jour, il retourna à Séville, emmenant avec lui la fille de Don Roque, sa filleule, dont ses préoccupations financières ne lui permirent de s'occuper nullement pendant tout le cours du voyage. L'enfant versa d'abondantes larmes en partant de Cadix. Non pas qu'elle éprouvât un grand chagrin à se séparer de son père qui lui inspirait une profonde terreur. Mais elle pleurait en quittant la négresse qui, toute stupide et toute grossière qu'elle fût, était cependant le seul être qui, depuis la mort de sa mère, eût fait quelque attention à elle. Et puis, elle tremblait à l'idée de se trouver de nouveau sur cette mer dont elle avait conservé un si effrayant souvenir. Quand le vapeur jeta l'ancre à Sanlúcar pour prendre des passagers, la pauvre Lágrimas était couchée, plus morte que vive, dans une cabine. La souffrance et le mal de mer l'avaient mise dans un état qui faisait compassion. À Sanlúcar s'embarqua une jeune et jolie femme, accompagnée d'un homme âgé et d'une petite fille d'environ 8 ans. À peine à bord, L'enfant se mit à courir de tous côtés et, poussant la porte de la cabine où se trouvait Lagrimas, « Je veux entrer dans cette cabine !» dit-elle. « Non, reine, lui dit sa mère. Non, cette cabine est fermée et sans doute elle est occupée. C'est égal, je veux y entrer, moi, je le veux !»« Enfant, dit le vieillard, en ce monde, on ne fait pas toujours ce que l'on veut. » Pour toute réponse, l'enfant tourmentait le loquet de la porte qui finit enfin par s'ouvrir. « Quel petit démon !» dit la mère. « Quand elle a mis quelque chose dans sa tête, il faut qu'elle le fasse. » « Dieu veuille que ce qui vous semble aujourd'hui une gentillesse ne vous donne pas bien du souci plus tard, marquise, » répliqua le cavalier. « Mère, mère !» cria tout à coup l'enfant. « Venez donc voir une pauvre petite fille. Elle est seule, triste et malade. Pauvre petite, pauvre petite !» La marquise accourut et trouva sa fille couvrant de baisers le visage de la pauvre Lagrimas, aussi blanc qu'un linceul. « Avec qui es-tu à bord, mon pauvre enfant ? » lui dit la marquise. « Avec mon parrain, » répondit la petite d'une voix presque inintelligible. « Et c'est un méchant parrain qui l'abandonne ainsi, seul, seul et malade !» s'écria Reine. « Reine, reine, ce que vous dites là est fort vilain et ne doit pas se dire !» fit la mère. Mais l'enfant avait disparu et revient bientôt avec une assiette de biscuits. Un domestique la suivait, portant un plateau à café. « Prends ces biscuits, prends ce café, ma pauvre petite, c'est bon pour le mal de mer !» dit Reine. « Tu as vraiment un bien bon parrain. Si je le rencontre sur le pont, il peut être tranquille, je le pousserai pour le faire tomber à la mer. Reine, ne pouvais-tu pas me dire d'aller demander ce café, au lieu d'aller le chercher toi-même ? Dit le cavalier. Vous ? Répondit celle-ci. Mais vous auriez mis 2 jours pour aller et revenir, Don Domingo. Quel cœur ! Quel excellent cœur ! S'écria la marquise de Alocaz en couvrant sa fille de baisers.